1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est un invité exceptionnel que Franck Ferrand a convié aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir un grand nom de la radio et de la télévision, un de ceux qui, pour tout vous dire, m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai nommé Jacques Chancel. Son dernier ouvrage est un récit autobiographique, poignant. La nuit attendra évoque le temps où il était correspondant de guerre en Indochine. Belle occasion pour nous d'évoquer cette guerre d'Indochine. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Martin via Facebook sur l'origine de l'expression coup de Trafalgar. Là, on peut dire que c'est une origine pour le moins historique et directe. En attendant, je vous propose de nous plonger sur les pas de Jacques Chancel dans les désordres de l'Indochine. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'Indochine, ce qu'on appelle l'Indochine à partir de 1905, c'est cet ensemble de possessions et de protectorats français qui englobe les états actuels du Vietnam, du Cambodge et du Laos, conquis par la France dans la deuxième moitié du 19e siècle. Dans une conférence prononcée à l'Institut de Géographie dans l'entre-deux-guerres, voici ce qu'un de mes oncles, c'est assez rare que je cite la famille à cette antenne, mais voici ce qui, je le fais non sans émotion pour tout vous dire, voilà ce qu'il disait avec bien sûr les termes et les préjugés de l'époque. Quand on parle en France de notre Indochine, disait-il, c'est habituellement d'un pays peuplé de petits hommes jaunes qui travaillent dans l'eau de la rizière, et l'on a tendance trop souvent à considérer les possessions d'Asie comme un tout homogène. Or, peu de pays au monde réunissent des gens de races aussi diverses sous des climats aussi différents. La célèbre route mandarine, qui relie du nord au sud la frontière de Chine à la frontière de Siam, s'étend sur une longueur égale à celle de Paris à Moscou ou de Marseille à Alexandrie. Vous concevez qu'ainsi le Tonkin au nord ne puisse subir toute l'année du moins le feu des rayons qui brûlent la Cochinchine méridionale. C'est donc toute proportion gardée d'un pays nordique que je vous parlerai, disait-il. En Indochine, au Tonkin, comme chez nous dans le Nord, c'est le ciel souvent gris, mais c'est aussi le charme prenant des paysages estompés par la brume. Les plaines de riz succèdent aux plaines de riz, et l'échiquier de ces étroites diguettes qui maintiennent l'eau dans les rizières s'étend pendant des heures et des heures jusqu'à ce que l'immense tapis vert se confonde avec le ciel. L'Indochine française avait, et c'est moins poétique, la forme d'une courgette un peu recourbée, vous savez. La partie méridionale du Vietnam actuel s'appelait à l'époque la Cochinchine, c'est la région du delta du Mékong avec la capitale économique, Saïgon. Il s'agissait d'une colonie. Et puis, au centre du Vietnam, vous aviez l'Annam, tout le littoral, le Tonkin au nord du Vietnam, avec la capitale administrative, Hanoï. Le Cambodge et le Laos, eux, étaient des protectorats, c'est-à-dire qu'ils avaient un statut qui peut être comparé à celui du Maroc ou de la Tunisie. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la France, devant les richesses naturelles et humaines absolument inouïes de ce pays, a eu l'ambition d'en faire une colonie d'exploitation sur un plan économique. Et ça s'est traduit par d'abord la perception de taxes, d'impôts importants, ça l'administration française sait faire évidemment, par la mise en place du monopole sur un certain nombre de denrées stratégiques, le sel, le riz, l'alcool, l'opium aussi. Et ça s'est aussi traduit par la multiplication d'infrastructures qui ont énormément, considérablement développé ce pays. L'exploitation des ressources naturelles de la région est intensive, à commencer par celle du caoutchouc, bien entendu, produit à partir de produits dans des plantations d'EVA, dans lesquelles les conditions de travail des paysans vietnamiens étaient très difficiles. Beaucoup d'autochtones, qu'on appelait à l'époque les anamites, par simplification, Beaucoup sont irrités, c'est le moins qu'on puisse dire, par la présence de missionnaires chrétiens très prosélytes. Tout ceci explique les diverses réticences, et même, on peut dire, la naissance d'un véritable mouvement de résistance à cette présence française en Indochine dès le 19e siècle. À partir des années 1920, les mouvements patriotes indochinois se modernisent, se renforcent, à commencer par les mouvements inspirés par le communisme, avec à leur tête Nguyen An Quoc, c'est-à-dire celui qu'on appelle Ho Chi Minh, qui, un peu comme le font les Chinois de leur côté, se réclame de sentiments patriotiques, mais sans renier pour autant un véritable engagement marxiste-léniniste. En 1937, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a que 40 000 Européens en Indochine. C'est-à-dire que ça représente 0,2% de la population. C'est une colonie économique, certes, mais sûrement pas de peuplement. Et encore, sur les 40 000, vous avez un tiers de fonctionnaires et de militaires. À la même époque, il y a plus de 300 000 Chinois qui, eux, sont venus s'installer en Indochine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour la très petite, pour le très petit nombre des administrateurs français, il va être difficile, dans une période de révolte qui va devenir de plus en plus rude, il va être difficile, comme on disait à l'époque, de tenir le pays. Mais la guerre va survenir et alors là, elle va tout changer, bien entendu. Elle donne aux divers groupes nationalistes indochinois l'occasion de s'affirmer. À partir de l'été 1940, les Japonais soumettent peu à peu les autorités coloniales françaises, qui par ailleurs sont fidèles à l'État français du maréchal Pétain. Elle va les soumettre en utilisant le chantage armé, d'abord les pressions diplomatiques et puis bien entendu, peu à peu, le chantage armé. La position des 34 000 Français qui restent en Indochine devient vraiment très difficile. Va se développer à ce moment-là une résistance armée qui est à la fois anti-japonaise, ça on a envie de dire, c'est évident, mais aussi anti-française. Et parmi ces résistants, le Viet Minh, c'est-à-dire la ligue politique qui rassemble les communistes et les nationalistes vietnamiens, ce Viet Minh d'Ho Chi Minh, va constituer la frange la plus active. La situation se dégrade peu à peu, elle échappe au contrôle des autorités coloniales françaises qui, alors, sont totalement incapables de faire face notamment à la famine terrible de 1944-1945. En mars 1945, les Japonais franchissent le Rubicon. Cette fois, ils font carrément main basse sur la colonie française. Ils s'emparent de l'Indochine. Ils attaquent par surprise les garnisons françaises. Et sur les 34 000 Français métropolitains dans la région et 12 000 militaires d'origine européenne, plus de 3000 sont tués en moins de 48 heures, parfois dans des conditions d'une grande violence. On a assisté à des décapitations à coups de sabre, etc. Les Japonais étaient fidèles à leur pratique habituelle de la terreur dans toutes ces opérations. Alors, l'administration coloniale à partir de là est complètement démantelée. C'est la fin du protectorat aussi sur les protectorats. L'état de siège est proclamé et le 11 mars, l'empereur Bao Dai donne lecture d'un acte d'indépendance de l'Annam et du Tonkin au sein d'un empire du Vietnam. Le 13 août 1945, le Viet Minh déclenche cette fois une insurrection générale qui vise d'abord Bao Dai, bien entendu. Bao Dai est d'ailleurs contraint d'abdiquer le 25 août. Il ne bénéficie plus de la protection des Japonais qui sont en train de leur côté de capituler. On est au lendemain des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. L'empereur Bao Dai est néanmoins associé au nouveau régime comme conseiller spécial. Il accepte ça, ce qui évidemment va donner au nouveau gouvernement vietnamien une forme de légitimité. Il rompt Bao Dai, il rompt la confiance avec la France, ce qui lui vaudra d'être exilé à Hong Kong. En 1949, il sera néanmoins rappelé et ce sera ça offrira une ultime alternative à un Ho Chi Minh qui est de plus en plus incontrôlable. Nous allons y revenir dans un instant. Patrick Doyle sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Indochine. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur la guerre d'Indochine par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur la guerre d'Indochine. Et nous nous replongeons avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la guerre d'Indochine. Alors, évidemment, il y a une personne qui a très bien compris ce qui était en train de se passer en Indochine, c'est le général de Gaulle qui comprend qu'on ne va pas pouvoir rétablir l'Indochine française dans sa forme d'avant-guerre. Il laisse au général Leclerc une certaine marge de manœuvre pour aller négocier un compromis avec le Viet Minh et de cette manière établir une fédération indochinoise qui pourrait intégrer le concept d'un Vietnam unifié, parce que ça va être évidemment le gros problème, étant donné ce qui vient de se passer. Il faut vous dire quand même qu'à la conférence de Potsdam en 45, à Potsdam il y avait Staline, Churchill, Truman et Staline qui étaient très opposés au colonialisme français, bien entendu, à tous les colonialismes en général, mais Staline était moins opposé à celui qu'il concernait, évidemment. Truman et Staline avaient décidé que le Vietnam serait divisé en deux. Au moment de la capitulation du Japon, les Chinois, sous la houlette du généralissime Chiang Kai-shek, devaient s'installer dans le nord, et les Britanniques, commandés par le général Sir Douglas David Gracey, devaient, eux, s'installer donc dans toute la partie sud. Cette idée d'une partition du Vietnam en deux a été imposée en quelque sorte par les Alliés. Et pour la France, ça va être le principal problème. Le 28 janvier 1946, les troupes britanniques acceptent de quitter le Vietnam, tandis que les Chinois vont se retirer eux aussi plus malaisément du nord du territoire. Et en échange, les Français restituent à la République de Chine leurs droits sur les concessions françaises dans ce pays. C'est le fameux accord franco-chinois de 1946. Je dis le fameux accord, mais du reste, c'est un accord d'une grande importance et sur lequel on insiste jamais. Alors, bien entendu, les Japonais, eux, étaient partis. Au lendemain de l'évacuation japonaise, le Laos et le Cambodge étaient parvenus à faire reconnaître leur souveraineté. J'allais dire en douce, en tout cas un peu en catimini, ils vont accéder d'abord au statut d'État associé dans le cadre de l'Union française, vous savez, qui était une sorte de Commonwealth à la française. Mais au Vietnam, évidemment, la situation est différente compte tenu de l'enjeu stratégique, économique et d'une certaine manière symbolique de ce pays. Le général Leclerc est donc envoyé par le général de Gaulle, qui à l'époque est chef du gouvernement provisoire, pour essayer de restaurer l'autorité de la France. Le 6 mars 46 est signée une convention qui reconnaît le Vietnam comme un État libre avec son gouvernement, son parlement et ses finances, faisant partie de la fédération indochinoise et de l'Union française. L'unification de l'ensemble vietnamien, donc Cochinchine, Annam et Tonkin, est soumise à référendum et a pour contrepartie l'installation de troupes françaises à Hanoï. Seulement à l'été 1945, les tensions resurgissent. Ces accords qui avaient été signés par Ho Chi Minh et par Jean Saint-Denis ne vont pas durer. L'amiral Thierry d'Argentlieu, qui est le haut commissaire pour l'Indochine, ne fait pas confiance à Ho Chi Minh, ce qui est d'ailleurs une attitude assez différente de celle qu'avait pu avoir le général Leclerc. On peut dire qu'il n'y a aucune entente entre Thierry d'Argentlieu et Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh, Argentlieu fait donc proclamer une république de Cochinchine le 1er juin. On en revient à la partition. Et évidemment, ça, c'est en complète contradiction avec les accords du 6 mars. Et ça, ça va poser bientôt problème. La Cochinchine est donc reconquise, mais le général Leclerc estime qu'à terme, l'indépendance vietnamienne va devenir inévitable. Son départ pour l'Afrique du Nord en juillet 46, c'est qu'il va mourir bientôt, hein, dans ce terrible accident d'avion dans le Sahel en novembre, dans le Sahara en 1947, novembre 47, le départ de Leclerc laisse le Viet Minh, disons-le, sans interlocuteur de confiance. Le 23 novembre 1946, crise terrible, une crise qui éclate dans le port d'Haïphong, on est à une centaine de kilomètres d'Hanoï, et ça va marquer le début de la guerre d'Indochine en tant que telle, une guerre qui va durer plus de 7 ans. Donc, en 46, à cette époque, le Viet Minh s'oppose partout aux intérêts français. Le général Giap, qui depuis longtemps a été convaincu de l'échec d'une solution négociée, va préparer la reprise des combats. Il met sur pied toute une armée de 50 000 hommes. Depuis le début de l'automne 46, français et vietnamiens se querellent essentiellement sur la question des douanes. La question est de savoir qui va pouvoir revendiquer le fameux contrôle des douanes. Et les incidents se multiplient. Voici ce que nous dit Jacques Dallos dans son livre sur la guerre d'Indochine. Le 20 novembre, à Haïphong, on tire sur un bateau français qui remorque une chaloupe de contrebande que la sécurité militaire vient de saisir. Des barricades s'élèvent, des militaires isolés en ville sont tués, la fusillade se généralise. Commandant les troupes du Tonkin, le général Morlière joue l'apaisement et parvient le 21 à obtenir le cessez-le-feu. Cette volonté d'empêcher à tout prix l'affrontement n'est partagé ni par son subordonné, alors en l'occurrence c'est le colonel Deb qui dirige le secteur d'Haïphong, ni par son supérieur, le général Valui, lequel après avoir remplacé Leclerc en juillet, fait fonction de haut commissaire par intérim en l'absence de l'amiral venu à nouveau à Paris plaider pour une politique de fermeté à l'égard du Viet Minh. Le 22, le commandant en chef envoie cet ordre à Morlière et Deb. Le moment est venu de donner une dure leçon à ceux qui nous ont traîtreusement attaqués. Par tous les moyens à votre disposition, vous devez vous rendre maître complètement d'Haïphong et amener le commandement de l'armée vietnamienne à récipiscence. Le lendemain, on est donc le 23 novembre 46, après avoir lancé un ultimatum, les Français passent à l'attaque. L'aviation et la marine participent à l'assaut. Le 28, les Français contrôlent totalement la ville. C'est un bombardement qui va faire ça des milliers de victimes. Et ça rend inévitable un conflit. Ça provoque une rupture totale, définitive entre les Français et Ho Chi Minh. Il apparaît clairement maintenant que Ho Chi Minh ne jouera plus l'option de la fédération indochinoise. On se radicalise des deux côtés. Ho Chi Minh appelle même le peuple vietnamien à la résistance et à la guerre contre les Français. Que celui qui a un fusil se serve de son fusil, dit-il, que celui qui a une épée se serve de son épée et que chacun combatte le colonialisme. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la guerre d'Indochine. Alors cette guerre d'Indochine, elle commence véritablement le 19 décembre 1946. Il y avait eu donc ce bombardement du port de Haïphong le 23 novembre par la marine française. Le Viet Minh, aussitôt, dirigé par Ho Chi Minh, va lancer une offensive qui a pour but de libérer la ville de Hanoï. Voici ce que nous dit Jacques Dallos. Le 19 décembre, l'apaisement semblait prévaloir. Le matin, Ho Chi Minh envoie une note amicale à Saint-Denis, tandis qu'il est suggéré au général Morlière de déconsigner les troupes pour détendre l'atmosphère. Dans l'après-midi, les autorités françaises apprennent par leurs agents que le Viet Minh prépare un coup pour la nuit. Et là, effectivement, ça va être terrible. À 20h, le sabotage de la centrale électrique plonge Hanoï dans l'obscurité. Des arbres sont abattus, les passages à niveau sont obstrués par des wagons pour gêner le passage des troupes françaises. Des mines sont posées au carrefour. On peut dire que dans toute la ville, des milices d'autodéfense attaquent les postes du corps expéditionnaire, les maisons des colons. Des dizaines de civils blancs et eurasiens sont tués ou pris en otage. Saint-Denis est blessé, mais Giap ne renouvelle pas pour autant le succès japonais du 9 mars 1945. Les troupes de Morlière vont résister et le 20, elles dégagent le centre-ville. Elles réussissent à récupérer les bâtiments publics. Ho Chi Minh, qui est réfugié à une dizaine de kilomètres d'Hanoï, lance le 21 un appel à la lutte à outrance. Et évidemment, à Paris, le gouvernement, la 4ème République, est bien obligé de constater qu'on est en train de se lancer dans une véritable guerre. Sur un plan international, il faut bien comprendre qu'à l'époque, Ho Chi Minh n'a pas tellement de soutien. Les États-Unis de Truman sont certes peu favorables au colonialisme français, mais pour l'instant, ils s'intéressent peu à la région et surtout, ils sont très peu soucieux de voir des communistes prendre le pouvoir. Quant à Moscou, il a tendance à se focaliser sur d'autres zones géographiques de Berlin à l'Iran, disons. Et pour ce qui est des communistes chinois, ils sont encore en plein affrontement avec les nationalistes de Chiang Kai-shek. Donc, pour l'instant, Ho Chi Minh est encore relativement isolé. Bien entendu, dans la suite du conflit, tout ça changera. La position du haut-commissaire de Thierry d'Argentlieu est clairement énoncée dans une interview qu'il donne à France Soir le 2 janvier 1947. « Il est désormais impossible que nous traitions avec Ho Chi Minh, dit-il. Nous trouverons dans ce pays d'autres personnalités avec qui nous pourrons traiter, qui seront sans doute nationalistes aussi, mais ceux-là sont disqualifiés. » Voyez bien qu'on ne se comprend plus d'une certaine manière. Alors pendant toute l'année 1947, les choses vont dégénérer. Le 22 janvier, c'est le premier gouvernement de la 4e République. Le général de Gaulle est parti. C'est le gouvernement Ramadier. Le gouvernement est très divisé sur la question vietnamienne. Et si le MRP n'est pas insensible aux thèses de Thierry d'Argentlieu, le Parti communiste réclame la reprise immédiate des discussions avec Ho Chi Minh. Et ça, c'est important. Ça veut dire que en métropole même, bien entendu, une grande dissension existe et l'opinion se divise sur l'attitude à adopter. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de cette guerre d'Indochine, évidemment. Ce que j'aimerais avec Jacques Chancel, c'est que nous revenions sur le climat qui régnait à l'époque, sur les principaux acteurs et, d'une façon peut-être plus personnelle, sur l'expérience qu'a pu avoir un correspondant de guerre dans ses débuts de la guerre d'Indochine. Bonjour Jacques Chancel. Bonjour, heureux de vous voir. Voilà une voix que reconnaissent évidemment bien nos auditeurs. Vous avez écrit un livre passionnant, je me permets de le dire. C'est un témoignage extrêmement poignant et vous y racontez notamment, on va y venir dans un instant, cette expérience terrible qui est celle de la cécité, puisque vous allez rester pendant longtemps sans pouvoir voir. Et ça, bien entendu, ça vous a marqué. Et j'ai envie de dire que, même si vous avez depuis retrouvé la vision, bien sûr. Mais c'est un peu le livre d'un aveugle que vous nous proposez, avec toutes les sensations qui sont propres à ce type de perception-là. Des frissons dans ce studio, Jacques Chancel, beaucoup de souvenirs. Et oui, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de l'émission Le Grand Échiquier avec Herbert von Karajan en 1980, La Force du Destin de Verdi, bien entendu. C'était une belle et grande émission. Oui, surtout que nous étions en direct de Paris. Moi, je voulais faire cette émission à Berlin et Karajan m'avait dit non, il faut qu'on travaille de la même manière, il faut que je sois à Paris, que je te rejoigne à Paris avec mon orchestre. L'orchestre, 125 musiciens quand même. Et moi, je dis comme vous voulez, maître, et nous avons fait cette émission. Et dans cette émission, il y a eu beaucoup de surprises, entre autres la révélation d'une violoniste de 15 ans qui s'appelait Anne-Sophie Mutter. Oui, extraordinaire. Et il y a beaucoup d'autres, il y a eu Omar, enfin... Eh oui, c'est vrai qu'il y avait une pépinière autour de Karajan extraordinaire. Alors Jacques Chancel, on parlera peut-être du Grand Échiquier, bien d'autres choses une autre fois. Autre chose. Et là, nous sommes en Indochine. Alors, ce qui est très extraordinaire dans ces années 48-49, c'est les tergiversations de la France elle-même. Que ce soit le pouvoir central à Paris, que ce soit le haut commissaire sur place, que ce soit les officiers d'état-major, on a l'impression que chacun a un peu sa vision et qu'il faut composer avec une population très mouvante et des mouvements nationalistes qui eux-mêmes s'opposent les uns aux autres. Sans oublier un acteur que vous avez vous-même connu, rencontré, vous le racontez, c'est l'empereur Bao Dai qui a joué un jeu un peu, comment dire, un peu saumâtre dans cette Alors, affaire. Je vous ai bien écouté tout à l'heure, il y a plusieurs épisodes dans ce que j'ai vécu moi. D'abord l'ignorance, mais l'ignorance quand même qui était relevée par les souvenirs de mes parents, enfin de mon oncle, qui était inspecteur général des forêts en Indochine, qui était rentré en France. Ma tante, la sœur de ma mère... Vous n'étiez pas en terrain totalement inconnu. Non, elle était proviseur, lui, c'est Jos Luloba, à Saïgon, et l'un de ses élèves, c'était Norodom Sihanouk. Donc, je vivais, mais j'étais très ignorant. Et même lorsque, après l'école nationale des transmissions, nous sommes partis pour l'Indochine, je savais très très peu de choses. Je me suis aperçu très vite que c'était une guerre de 100 ans. Oui. Moi, cette guerre, je la nomme dès le départ en 1855, lorsque les Français ont voulu relever le gant en faisant le marché de l'opium. On l'a un peu obligé, et nous arrivons jusqu'en 1955. Avec Francis Garnier, etc. Oui, et puis ça nous mène un siècle plus tard, en vérité. Oui, puis j'avais d'autres souvenirs. Par exemple, vous avez parlé du général Valuis. Oui. Mon cousin était le fiancé de la fille du général Chantal. Donc, un temps seulement. Donc, tout cela était pour moi comme une ligne tracée. Et je suis arrivé là-bas, non pas... Il faut dire que vous arrivez très jeune, oui, vous précisez. Oui, j'ai pas 20 ans, je suis obligé de me vieillir de 3 ans pour pouvoir partir. Enfin, c'est M. Cotrinet, mon instituteur, qui m'a vieilli de la sorte. Et je suis arrivé là-bas avec vraiment toute une poignée de gens de mon âge, que j'appelle une génération sacrifiée. Car ils arrivaient vraiment envoyés par la politique, par les hauts commandements militaires. Et ils étaient envoyés pourquoi ? Pour se faire tuer. Alors, vous avez parlé de plusieurs personnages. Ho Chi Minh, qui a été, est-il un traître, l'a-t-on trahi? Tout était possible, car les fulgurances de la politique étaient tout à fait insensées. Et changer de semaine en semaine, ouais. J'ai moi-même renoncé à raconter tout ça. Non, on peut pas. On peut pas. C'est invraisemblable. D'abord, un, l'exposé colonial n'était pas perceptible par la France. Exactement. Deux, c'était si loin qu'on ne savait pas. Moi, je me souviens, j'avais fait une enquête avant de partir, dans un train, pour demander aux gens où était l'Indochine. 9 personnes sur 10 ne le savaient pas. Oh là là, alors, Ho Chi Minh, Giap, pour moi, ce ne sont pas des communistes. Ils sont inspirés par le marxisme. Mais pour moi, ce sont des nationalistes. Ces nationalistes, je les ai retrouvés dans des copains à moi, qui étaient des fils de mandarins, cultivés, préparant normal sup, et qui un jour m'ont dit, écoute, tu n'es plus notre ami sur le plan politique, tu resteras le copain, nous rejoignons le général Giap. Et c'est la fin ensuite de 54 qui est pour moi l'horreur absolue. C'est le 7 mai 54, 60 ans, il y a 60 ans, où c'était la chute de Dien Bien Phu. Et pour moi, c'est plus que la chute, c'est l'anéantissement. Nous avons parlé, nous avons raconté ici l'affaire terrible de cette cuvette de Dien Bien Phu il y a quelques semaines seulement. Ce que j'aimerais que nous fassions maintenant, c'est que nous rentrions dans votre histoire, Jacques Chancel. Vous êtes tout jeune, vous avez fait l'école des transmissions de Montargis. Oui. Vous arrivez dans quelles conditions en Indochine ? D'abord, j'arrive après 52 jours de traversée sur un rafio qui s'appelait le Sontai. J'arrive dans un pays qui m'éblouit aussitôt. Nous sommes canardés dès l'arrivée sur la rivière de Saigon. Et on regarde ça vraiment comme si nous étions Folies Bergères. Ce qui est l'inconscience totale de ces moments-là. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir un protecteur, qui était l'ami de mes parents, qui était William Bazet. William Bazet était le président des Eurasiens. Car aussi les Eurasiens, moi je fais un premier roman, je fais 2 romans avant 20 ans. L'Eurasien, l'Eurasienne, et mes rebelles. Les Eurasiens, il faut savoir, c'était ces gens, ces enfants qui avaient été conçus par des gens de passage, des Occidentaux de passage, et puis des gens du cru, des femmes du cru, et qui étaient ensuite abandonnés. Donc, William Bazy m'a beaucoup aidé. Vous arriviez-vous dans un contexte de mission militaire ? Ah oui, bah, il me restait encore 6 mois. De service militaire. Oui. Et vous aviez, pour autant, vous êtes devenu journaliste sur place. C'est-à-dire que là, il y a une évolution. Oui, mais j'étais pris d'abord l'école des transmissions, la communication. J'étais presque dans le bain. D'autre part, déjà dans la radio, oui, en quelque sorte. D'autre part, sur le bateau, nous avions un petit orchestre. Et l'orchestre, j'étais le plus minable de tous les autres musiciens, qui étaient très brillants. Moi, j'étais à la contrebasse, mais je disais des poèmes, je racontais des histoires. Et il y avait un type qui était là, qui m'avait entendu. Donc, il est venu me rechercher pour rentrer à Radio France Asie. Et lorsque je suis rentré à Radio France Asie, je ne savais rien, évidemment, de la radio. Radio France Asie était l'un des satellites de la radiodiffusion française, au même titre que Radio Brazzaville. Nous avions 20 millions d'auditeurs, on émettait en 3 langues. Et tous les jours, j'avais une émission qui s'appelait Jacques et Marina, puisque j'avais une dame plus âgée que moi qui Marina, me secondait, oui. Et nous faisions le disque du soldat. On envoyait des disques, des messages à tous les soldats, surtout à ceux qui étaient sur des pitons, comme des jeunes lieutenants, des adjudants, qui étaient entourés de 100 supplétifs vietnamiens, qui étaient complètement oubliés et qui étaient attaqués toutes les nuits. Donc j'ai fait cette émission pendant des années, puis pendant un an en tout cas, puis on m'a désigné pour aller sur le terrain. C'est-à-dire que, qu'on comprenne comme correspondant bien, de guerre. Vous êtes arrivé comme jeune élève de l'école de transmission, vous êtes dans le cadre du service militaire, et puis très naturellement, par le biais des transmissions de la radio, vous vous mettez à faire une émission de radio sur Radio France Asie, et puis petit à petit, on vous dit, mais il faut aller voir ce qui se passe sur place, et vous devenez un peu à votre corps défendant, correspondant de guerre, mais ça vous passionne en même temps. Corps défendant, mais très heureux. Très heureux, voilà. Mais très heureux, presque frimeur. Parce que j'étais très jeune et j'avais à côté de moi des gens comme Lucien Baudard, Jean Lartégui, Graham Greene. Et il me considérait comme le bébé, d'ailleurs. Baudard disait toujours, Jacques, c'est mon fils, quoi. Donc, je me suis véritablement mêlé à cette cohorte extraordinaire. Alors, vous savez, chacun d'entre nous avait une armée privilégiée pour ça. Par exemple, Lartégui était avec les parachutistes. Moi, j'étais avec la Légion étrangère. Et au contact de ces hommes qui venaient de partout, moi, il y a une phrase qui m'avait véritablement enthousiasmé chez eux. On disait de quoi France, étranger par le sang reçu, français par le sang versé. Et c'était tellement ça. C'était tellement ça, ces hommes qui étaient vraiment dans les pires événements, car à la vérité, par quoi a été annoncé Dien Bien Phu ? Par Cao Bang en 1950, quelle horreur ! Et auparavant, vous avez parlé tout à l'heure des Japonais. Moi, j'aimerais dire un peu la folie des Japonais, l'horreur des Japonais, pire que les nazis. Mmh. Ce qu'ils ont fait, et heureusement qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le reste. Vous racontez évidemment tous ceux qui tombent, notamment votre caméraman Georges Koval. Je vous cite, depuis 3 jours je tourne en rond, les promenades me sont une corvée, je n'ai pas la moindre envie de parler, je traîne un chagrin. Lucien Baudard s'est révélé mauvais messager, pour la première fois je l'entendais pleurer, je suis effondré. Georges Koval, avec lequel j'ai réalisé tant de reportages, est mort en opération, debout, dit Lucien, la caméra tenue à l'épaule. Il était le plus beau de la confrérie des correspondants de guerre, surtout le plus talentueux des preneurs d'images, le plus énigmatique des camarades. Il se voulait prisonnier d'un secret familial, jamais il n'eut le désir de m'en dire plus. Il répétait sans cesse la recommandation de saint Augustin, « Rentre en toi-même ». Oui, c'était un homme tout à fait extraordinaire. Il a été vraiment mon meilleur ami. Ça a été extraordinaire. Sa mort m'a terriblement secoué, mais terriblement. Et d'autre part, il était si beau. On peut pas savoir la beauté de ce garçon. Il était si nuancé dans ses amitiés, également si éloigné parfois de ses amis. Il était déjà dans un ailleurs. Et par qui a-t-il été remplacé ? Il fallait le remplacer. Il a été remplacé par Pierre Scholler-Ferre. Donc j'étais vraiment dans un événement qui se continuait. Nous sommes au cœur de l'histoire de la guerre d'Indochine avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jacques Chancel, homme de radio et de télévision, auteur de La Nuit attendra aux éditions Flammarion. Alors, encore une fois, nous ne faisons pas ici l'histoire de la guerre d'Indochine. Hein. Nous n'allons pas revenir sur Cao Bang, sur Lang Son, sur Dien Bien Phu. On n'en sortirait pas. Ce que j'essaie de faire avec Jacques Chancel, c'est de recréer cette atmosphère. On vous a senti très ému lorsque vous parliez à l'instant de Georges Koval. Je voudrais préciser une chose. Le service cinéma, la grande salle du service cinéma des armées porte son nom. Voilà. Alors, il y a un événement de votre vie dont vous n'aviez jamais parlé, c'est cet accident. Je vous cite. Je l'avais murmuré, mais on ne pouvait pas comprendre ce que je souhaitais dire. Et voilà. Au-delà de la route pavée, nous nous préparons à passer le fameux pont de Canoy, à 40 km à peine de Saïgon. Les phares de la Jeep éclairent les sillons de rizière. Les soldats sont en embuscade tout au long de la rivière. Prestal presse le chauffeur d'accélérer. Le passage pourrait faire croire que nous entrons dans un jardin japonais. Une explosion, terrible tremblement, une gerbe de feu, et puis plus rien. Oui, je me souviens encore, c'est ma dernière image, ce pont japonais. Pourquoi je dis pont japonais ? Parce qu'il était en dodane. Oui, c'est ça, voilà. Mais magnifique. D'ailleurs, il y a 2 ans, je suis revenu pour le film Empreinte à Saïgon. J'ai essayé de le retrouver. C'est maintenant une autoroute, donc regardez comment les choses ont changé. Je voudrais aussi dire maintenant combien j'ai aimé, combien nous avons aimé ce peuple, combien nous aimons ce pays. Et c'est vrai que, avant qu'il ne m'arrive ce qui m'est arrivé, il y a eu la mort de Georges, il y a eu la blessure d'André Lebon, on l'a amputé d'une jambe, il y a eu la mort de Dick Sirice, de Lai, c'est-à-dire qu'on a perdu énormément, énormément de gens, on n'en parle jamais de tous les correspondants de guerre qui sont morts là-bas, ils sont morts près de nous. Donc on finissait par véritablement faire presque une armée secrète de journalistes. Et moi, je n'ai jamais voulu être dans les anciens, les anciennes ceci, les anciennes cela. J'ai laissé cette période de ma vie comme un moment ou douloureux ou amoureux. Mais parce que justement, l'expérience que vous vivez à la suite de l'accident, de l'explosion, est telle que ça ne peut pas être raconté en quelques mots. Il faut prendre le temps, comme vous l'avez fait dans ce livre. 60 ans. Ouais, c'est ça. Oui, parce que souvent on me pose la question, et Baudard me l'a posée, pourquoi tu ne racontes pas cette histoire? Car Baudard, Schneiderfer ont été formidables, ils venaient me voir presque toutes les semaines à l'hôpital, quoi, l'hôpital de Giadine. Pourquoi je n'ai pas raconté cette histoire à ce moment-là et après? J'essaie d'avoir une réponse, mais je ne sais pas si c'est la bonne, parce que j'avais honte. J'avais honte d'être vivant, car ceux qui étaient avec moi sont morts. D'autre part, sont morts également vraiment presque tous ceux qui avaient engagé le combat contre régiment Viet. Et puis en plus, c'était une bavure, car le capitaine de Bressal, que j'aimais énormément, il est parti sans en prévenir le grand état-major. Mais à la fin, lorsqu'on me posait la question, je dis « Mais à quoi sert-il le grand état-major » Et on s'en est aperçu après, aux limites de Dien Bien Phu. Oui, je corrigeais un peu mon opinion. Vous, à travers évidemment tous les portraits que vous brossez, car on voit un certain nombre de personnes, même si vous, pendant toute une partie du livre, vous ne voyez plus. D'ailleurs, alors on vous aide, on vous lit. C'était le plus terrible. Ah oui. Parce que lorsque vous êtes dans cette cécité, que vous n'avez pas vraiment imaginé. Parce que d'abord, j'étais dans le coma, mais on ne m'a jamais dit combien de temps j'étais resté dans le coma. Après, il y a eu ce réveil douloureux à l'hôpital de Giadine. Et après, il y a eu cette conscience de ce que j'étais, de ce que j'avais. Alors, au début, c'est vraiment tragique, surtout lorsqu'on a 20 ans. C'est effroyable. On pense surtout même à des idées de suicide, mais d'une manière romanesque. Attention, oui. C'était jamais d'une manière malheureuse. C'est extraordinaire de vivre ça comme ça. Et puis, un jour, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois mieux que toi. Et tu vois quand? Dans la nuit. Car dans la nuit, je m'inventais des mondes. Et ces mondes étaient pleins de lumière, étaient pleins de souvenirs, étaient pleins de bonheur. Je ne voyais pas le noir. Et puis après, j'ai compris, lorsqu'on m'a offert la canne blanche, j'ai compris qu'il fallait que je change de vue. Étais-je capable d'accepter ce sacrifice? Et j'en ai été capable. J'ai espéré pendant un moment, je n'ai plus espéré du tout. Et puis j'ai espéré tout à fait au moment où on m'a envoyé à Dalat, et voilà. Où là... Vraiment tout. Vous allez rencontrer le professeur qui vous sauve, si je puis dire. Ah, ouais. C'est-à-dire que vous voyez peu à peu la lumière revenir. Là. Oui, et je la vois petit à petit revenir. J'ai vu le jour revenir pendant la nuit. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'était une lumière, et cette lumière, je la vois encore. Alors pourquoi? Je n'ai jamais voulu parler de ça. Même ma femme a été au courant que longtemps après, avec les enfants, je n'en parle jamais. Je n'en ai jamais parlé. J'en parlais, c'est vrai, avec Schneiderfer. J'en parlais avec Lucien Baudard. Mais c'était les seuls avec qui j'en parlais. Avec Jean Laure, qui était le conservateur des tentes d'encore, et que je retrouve, est en face de chez moi, du côté du Trocadéro aujourd'hui. Non, c'était une ambiance tout à fait particulière. Et là, je crois que j'ai appris à vivre. Et lorsque je me suis retrouvé, après, avec une vue qui n'était pas totale, mais j'y voyais, si je pouvais voir les femmes qui passaient, enfin je les voyais. je me suis dit, tout recommence. Mais dans le même temps, et c'était à encore, sur les marches du Bayon, Jean Laure m'avait laissé là pour rêver, il me dit rêve. Et là, tout d'un coup, je me suis dit que j'avais 24 ans. Je me suis dit, un pan de ma vie est fini. C'est le pan le plus important. Tout ce que j'aurai à vivre à partir de cette minute-là n'aura peut-être aucune importance. C'est incroyable d'avoir... Et, ouais. Et vous avez en quelque sorte fréquenté l'histoire à ce moment-là. Oui, parce que par exemple, on parlait tout à l'heure de Baudaï. William Bazé était le grand ami de Baudaï. C'était William Bazé est l'homme qui a appris à Baudaï la chasse. La chasse aux éléphants, la chasse aux tigres. Et William Bazé avec une plantation, la plantation de Swanlock, plantation d'EVA. Il avait des éléphants de travail, des éléphants de chasse. Donc j'ai vécu avec eux. Moi, j'étais comme l'enfant de la famille. Et j'ai rencontré Bao Dai. Oui, vous l'écrivez. J'aime ce pays, j'aime ce peuple. Je prétends qu'il ne peut espérer sa liberté que de lui-même. Mais parviendra-t-il à se défaire de l'emprise communiste? Pourra-t-il se satisfaire d'un gouvernement de droite corrompu? Étrangers du bout du monde, nous pestons contre cette époque troublée où les lâches ont pignon sur rue. De tout cela, à mes parents, je n'ose rien dire. Dans mes lettres, je vante les paysages que je découvre. Pour oublier la réalité, je poétise. Ma mère, au moins, sera rassurée. Et puis, comment pourrait-elle croire ce que je vis? Je suis dans un monde qui ne m'était pas destiné. Chaque jour est une surprise. Hier, chez les Bazet, nous y voilà, nous avions à dîner la famille impériale. Il n'est pas d'homme et de femme si mal assorti. Dans son costume de grand tailleur parisien qui le sert jusqu'à l'étouffer, regard en berne, Bao Dai confirme l'impression que j'avais eue à notre première rencontre. Je le crois plus chasseur de tigres que chef d'État. Nam Fuong, en revanche, fait honneur à son titre d'impératrice. Elle passe pour l'une des plus belles femmes du monde. J'admire surtout sa simplicité, l'attention qu'elle porte aux plus humbles. Son sourire retenu cache vraisemblablement une tristesse. Ma position ne me permet pas d'en dire plus. Les alcôves royales sont souvent encombrées. Oui, Nam Fuong, c'était la beauté. C'était Ava Gardner. Et alors, elle était venue me voir à l'hôpital. Vous imaginez le chambardement lorsqu'elle est arrivée. Et moi, je ne savais pas, j'entendais des bruits partout. On venait me voir, le médecin-chef me dit « Écoute, je serai là près de vous ». Je comprenais plus, moi. Et c'était elle qui arrivait. Non, l'impératrice de Hongchuang, je parle de sa tristesse, parce qu'elle avait toutes les raisons d'être triste. Et Bao Dai, c'est vrai, était plus chasseur de tigres, comme d'État. D'ailleurs, on s'en est aperçu, hein. Oui, ça n'a pas été un homme d'État. À la mesure des événements, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Fabriqué, détesté et abattu par la France. Oui. Délaissé totalement. Et délaissé complètement. Oui. Il y a de cette... Alors, vous avez retrouvé la vue, heureusement, là-bas. Il y a de cette période et de ce séjour tellement intense en Indochine, des images que vous voulez garder plus particulièrement. Et là, je ne parle plus d'êtres humains. Je parle de lieux, de monuments, de ciel. Bon, d'abord, de ce que je retiens. Ce que je retiens en premier, c'est le Cambodge. J'ai aimé le Cambodge, et surtout encore. Après, comme nous étions partagés entre l'horreur et la frivolité, car c'est vrai, on était sans arrêt en opération, mais dans le même temps, lorsqu'on rentrait à Saigon ou à Hanoï, on sacrifiait à tous les plaisirs de la vie. Il faut savoir que Saigon, qui était dans la douleur, puisque ça tonnait toutes les nuits à 2-3 kilomètres, et les restaurants étaient pleins, et les cabarets étaient bondés. Donc, on avait une vie tout à fait étrange que un film pourrait retransmettre. D'ailleurs, on a fait des films. Hein. Oui, bien sûr. Indochine, de Varnier, oui. Il y a Dien Bien Phu, je le recommande, de Pierre. Et puis, il y a aussi L'Amant. De Jean Lacanau. Marguerite Duras, oui, bien sûr. Bon, donc, on a vécu cette vie-là. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est d'abord raconter une histoire. J'ai eu du mal à la raconter parce que j'ai fait ça en un mois, sans prendre une seule note. J'ai des centaines de carnets de notes. Je n'ai travaillé qu'à ma mémoire. Pourquoi ? Et je l'ai dit à des amis, parce que je voulais que les générations d'aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, apprennent comment nous vivions à ce moment-là. C'est un pan d'une vie. Ah oui. Et ce sont des lumières qui ressortent essentiellement de ce livre, qui est un livre, une sorte de déclaration d'amour au Vietnam, finalement. Mais complètement. Ouais. Et vous verriez ce que j'ai reçu, des centaines de lettres. Ah oui. De gens qui ont fait la guerre, de fils qui ont fait la guerre, de petits-fils qui avaient leur grand-père au combat, c'est ce qui nous arrive, et de jeunes d'aujourd'hui. C'est ce qui nous arrive ici même, puisque nous recevons là, sur le site internet d'Europe 1, par Facebook, enfin ça arrive de partout, toutes sortes de messages qui, justement, veulent vous remercier de ce que vous dites et veulent témoigner sur cette guerre d'Indochine, et au-delà d'ailleurs de la guerre, sur l'Indochine elle-même, qui est un peu le parent pauvre de l'historiographie contemporaine française. On a vu l'exposition coloniale de 1931, mais auparavant, on ne savait rien. Rien de ce pays. Il y a eu cette belle expo Indochine des territoires et des hommes au musée de l'armée. Oui, musée de l'armée. Elle est terminée maintenant. Oui. C'était l'expo de l'automne dernier. Je recommande bien sûr de Jacques Dalloz La guerre d'Indochine. C'est republié chez Point Histoire. Et puis de Jean-Marc Binaud chez Fayard, Le repos des guerriers, les bordels militaires de campagne pendant la guerre d'Indochine. Ça, c'est un aspect. Le BMC. Oui, les BMC, c'est nettement moins reluisant. Qu'on mais ça fait partie. Parc aux buffles. Oui. C'est effroyable. C'est, oui, c'est pas tellement. Non, bon. C'est pas. Nous ne finirons pas sur cette note-là. Jacques Chancel, La nuit attendra, et maintenant on comprend pourquoi elle attendra. La nuit, pour moi, c'était vraiment l'obscurité, le côté aveugle. Pourquoi attendra? J'espère qu'elle va pendant nuit encore cette nuit. Non, oui, bien sûr. Et nous sommes dans Les désordres de l'Indochine. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Jacques Chancel, d'être venu. J'étais ravi de vous voir. Nous raconter tout ça. Un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Martin sur l'origine de l'expression « coup de Trafalgar ». Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Martin, qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il souhaite connaître l'origine de l'expression « coup de Trafalgar ». Alors l'origine, là, elle est directement historique, bien entendu. On parle de la bataille navale de Trafalgar, qui a eu lieu le 21 octobre 1805. Vous savez que c'était la flotte française, enfin, franco-espagnole de l'amiral Villeneuve, qui a été battue à plate couture par celle de l'amiral Nelson. Il faut se remettre dans le contexte. En 1802, les Français et les Anglais avaient fait la paix. Et puis, on appelait ça la paix d'Amiens, qui a été rompue en 1803. Et là, les choses vont se jouer en partie sur les mers. Il y a cette espèce de course-poursuite de plusieurs mois à travers l'Atlantique jusqu'aux Antilles, entre la flotte française et la flotte anglaise. Finalement, de retour près des côtes espagnoles, la flotte française se retranche dans la baie de Cadix. Elle craint en quelque sorte d'affronter Nelson. On est à l'époque 1805 où Napoléon s'apprêtait avec sa grande armée à traverser la Manche et aller envahir l'Angleterre. Et puis finalement, il a fait demi-tour. Vous connaissez la suite. Sur le continent, c'est la guerre à outrance, c'est la bataille d'Austerlitz, c'est la grande victoire. Et là, l'amiral de Villeneuve, qui dirige la flotte française, se dit que Napoléon ne va peut-être pas être très content de voir que finalement la flotte n'a pas joué son rôle dans cette affaire. Alors, eh bien, coûte que coûte, il va partir à la rencontre, si je puis dire, de la flotte de Nelson. Cette rencontre, elle se produit au large de Trafalgar, non loin du détroit de Gibraltar, et c'est une défaite cuisante pour les Français. D'où cette expression, bien entendu, un coup de Trafalgar. Alors, un coup de Trafalgar, ça laisse entendre qu'on s'est fait avoir, qu'il y avait chez les Anglais une sorte d'attitude pas très franche. Après tout, c'est la réputation qu'ont les armées anglaises dans notre histoire depuis toujours. Le coup de Trafalgar, ce n'est pas seulement la défaite, c'est la défaite qui n'était pas méritée dans l'esprit, en tout cas dans l'imaginaire des gens.